encore mieux. Une série de lectures proposées par France Culture et le Théâtre du Rond-Point. Texte d'Alexandre Vialat, choisi par Jean-Michel Ribes, lu par Héloïse Wagner et Philippe Magnan, enregistré en public au Théâtre du Rond-Point à Paris le 18 juin 2015. Le secret de janvier. Où passent donc les romans sans prix ? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Où passent-ils ? C'est le secret du mois de janvier. Dès que les hirondelles sont parties, la brume s'élève dans les vallons, l'aquilon balaie les feuilles mortes, le blaireau se marie dans les bois avec des hurlements d'enfants qu'on assassine, l'homme sage fourbit son alambic, le jardinier sème le rosier de Sainte-Lucie, le loup se réunit aux carrefours importants, le romancier envoie ses œuvres aux critiques. C'est pour avoir le prix Goncourt. Il ne l'a pas car on le donne à un autre, mais le grand éditeur en tire le même plaisir. Il offre un cocktail littéraire où les uns boivent du whisky et les autres de l'orangeade, et où les dames mangent une feuille de laitue prise entre deux tranches de pain de seigle. Aussi, le prix Goncourt est-il recherché de tous et le jury très embarrassé. Il y a des cas où l'homme, disait un grand journal, doit voter selon sa conscience. C'est ce qui complique beaucoup les choses pour le jury au premier tour, car chacun vote suivant sa conscience personnelle, qui ne dit pas comme celle de tout le monde. Au cinquième tour, comme il faut qu'on en sorte, il vote enfin suivant la conscience du voisin. Et rien ne prouve après tout qu'elle ne vaut pas la sienne. Ainsi le prix est-il attribué et les littérateurs mangent des œufs d'esturgeon dans un endroit orné de toutes sortes de plantes vertes, d'aspidistras et même d'artichauts mexicains. Comme il chercherait une aiguille dans une meule de foin, le pauvre critique. Et c'est pourquoi, dès le départ des hirondelles, tant de livres affluent de toutes parts chez les critiques, par le train, le bateau ou l'avion. Ils s'y constituent en piles simples, puis en piles doubles, ensuite en murs, ensuite en cubes, enfin en troncs de pyramide. Ils s'y chevauchent, s'y enjambent et s'y soudent. Souvent aussi, ils se détachent, un bruit mat réveille le critique, c'est le livre qui vient de tomber. Ces chutes finissent par combler les passages entre les cubes et les tours. Il faut déblayer à la pelle, comme dans un village où la neige bouche les rues, creuser des tranchées pour le trafic. Le critique y circule, grippé, cherchant le talent comme une aiguille dans le foin, une tisane à la main, une bougie dans l'autre, ou alors une torche électrique, pour relever des titres au passage en se retenant d'éternuer. Ici, le futur Goncourt gémit sous une colonne de 2 mètres de haut. Là, le futur Femina sort la tête d'un grand cube où il va périr emmuré. L'interallié appelle du haut d'une pyramide, le Renaudot étouffe entre 2 romans fleuves, un coup de talon involontaire écrase un prochain lauréat. C'est affreux. Moins que l'éternuement. L'éternuement déchaîne des avalanches. Tout ce qui était en haut tombe au sol. Les piles s'écroulent en se déformant, les pyramides se transforment en cônes, tout s'arrondit, s'étale, s'affaisse. On croirait voir les volcans sous la lune du haut du Puy de Dôme en hiver. Un paysage témoin d'une ère géologique. Bref, la forme numéro 2 de la vie orographique du livre, l'âge du cône. L'âge numéro 1 donnait le village à angle net, labyrinthique et fourmillant. Maintenant, c'est le cône. Les cônes, ronds, nus et désolés. Comme des tentes de nomades, comme le hameau d'une nuit que la caravane pressée remporte à l'aube dans ses tapis et dans ses fontes. La civilisation semble avoir reculé. L'architecture du tas s'est faite géographie. Il y aurait un remède si le livre était plus lourd. On en ferait des colonnes plus stables, des pilastres plus pompéiens, des cathédrales plus byzantines. On en tirerait de petits cloîtres gothiques propices à la méditation, où le critique se promènerait à l'aise, en rond et soutenu par les muses. Si les romans ratés étaient plus lourds, ils seraient plus utiles. Hélas, il n'y faut point songer. Ne rêvons pas. L'âge du cône lui-même ne saurait durer très longtemps. Les volcans ne sont pas éternels. Le temps, l'érosion, les vents, le balai de la ménagère, les va-et-vient détruisent lentement ces géométries inspirées, ces purs schémas, ces vastes proportions. On entre dans l'ère des magmas et des dunes, magma numéro 2, numéro 3, etc. Au mois de janvier, le roman français n'est plus dans le bureau du célèbre critique que l'imperceptible élément d'un tourbillon géologique. L'architecture s'est faite géographie, la géographie se fait chaos. Le corps retourne à la poussière, l'esprit à Dieu qui l'a créé. L'herbe envahit les collines d'ouvrage, telles les ruines d'une ville bombardée. Le vent les ride, la lune les éclaire comme le cirque de Gavarni. Généralement, on retrouve le critique écrasé sous l'un des magmas. Sa tête dépasse, sa langue en sort, elle est violette. À 8 heures, la femme de ménage balaie le magma, critique et tout, en faisant le bureau. Nécessaire vacances de l'esprit. On ne se méfie jamais assez de l'intelligence. L'intelligence rend l'homme pensif. C'est un état qu'il ne supporte pas quand il n'en a pas l'habitude. Il tombe dans la neurasthénie, quelquefois même dans l'arythmomanie. Il compte alors les lames de son plancher, les livres qu'il a lus, les rinceaux du plafond. Il additionne le nombre des étoiles avec celui des sergents de ville. Il se trompe, recommence, et il fait peine à voir. Jamais, d'ailleurs, son total n'est exact. C'est ce qui arriva à Louis XVI après son retour de Varennes, suivant Mademoiselle de Mirecourt. Et ce n'est encore qu'un résultat lointain de l'abus des facultés intellectuelles. Il ne faut jamais mettre un homme sans un entraînement progressif en face d'une situation qui l'oblige soudainement à réfléchir à plusieurs choses. Le sang afflue au cerveau, le teint passe au violet, le front se plisse, les yeux restent vides, la tête peut devenir aussi grosse que celle d'un académicien. Tout est à craindre en de telles conjonctures, comme du scaphandrier qui remonte à la surface après une importante plongée. Le repos s'impose, et des bains de pied à la moutarde. André Mauroy rapporte un cas limite bien fait pour effrayer les esprits téméraires dans sa vie de Disraeli, celui de M. Bentinck, un parfait gentleman, membre de la Chambre des communes où il n'avait jamais rien dit. Disraeli le prit pour coéquipier et M. Bentinck fut obligé de penser un peu. On le retrouva mort dans un champ. Il y était tombé sur la face. C'était un homme, explique Mauroy, peu habitué au travail de l'esprit. Et cependant, pour ne pas faire deux choses, il avait vendu tous ses chevaux. On voit par là les gros dangers de l'intelligence. L'homme se fane comme l'herbe des champs. Il risque de tomber sur la face. De longues vacances sont à prescrire immédiatement. Laissez votre femme faire les valises. Il faut seconder le dramatique effort de l'homme pour accéder au plaisir de l'esprit. La fête des mères. La fête des mères se prépare en cachette. L'enfant conspire, l'adulte s'attendrit, la télévision donne des idées. Le 31 arrive, c'est le grand jour. L'enfant offre à sa mère 1000 babioles étonnantes, des pointes biques, des manoirs bretons, des pyjamas à décolleté en coups de poignard, des machines à laver, de la mayonnaise en tube, des buvards, des statues en plomb du président Roosevelt ou des trois mousquetaires qu'on trouve dans les paquets de café. Parfois même le buste en plastique de l'écrivain Victor Hugo. La mère pousse des cris d'étonnement, des exclamations d'allégresse et serre ses enfants sur son cœur. Elle fait cuire le gigot encore plus que d'habitude. L'oncle Émile arrive de banlieue. Il apporte un vacherin dans une boîte en carton et une bouteille de vin champagnisé. Il distribue aux enfants ravis des toupies volantes, des lapins mécaniques et des autos en bakélite dont le coffre s'ouvre sur le devant. Le père attaque la boîte de harengs de la Baltique avec la clé universelle, s'arrache la main, finit avec des tenailles. Les enfants s'amusent énormément. C'est pourquoi il est bon que l'enfant offre le jour de la fête des mères un petit bouquet à sa maman et lui fasse un cadeau modeste, proportionné à la somme d'argent qu'il aura pu tirer de son père. Le père veillera, dans cette grande occasion, à ce que l'enfant, à aucun prix, ne plume le perroquet de la grand-mère pour embellir le bouquet de sa maman. Rien n'est plus désolant, surtout par un temps gris, que de voir au sommet d'un perchoir un perroquet tout nu qui jure en espagnol pendant le repas de la fête des mères. Pauvre mère, aux travaux ennuyeux et faciles, si méconnus pendant leur vie. Quelle détresse pour un homme barbu et sûr de lui, sérieux, légèrement corpulent, respecté dans son entreprise, que de retrouver dans les ténèbres d'un placard, comme une espèce de remords confus, le renard en chèvre façon loup dont l'odeur lui revient de sa plus lointaine enfance. Il se le rappelle froid contre sa joue quand il était mouillé de pluie, parfois mêlé d'un parfum de violette. Il revoit le regard de sa mère, son front soucieux, ses doigts légers. Ce sont des instants qu'il faut cacher. Son personnel ne le redouterait plus. Distraction du touriste. Le touriste va en Provence voir le frêne qui assista en 1538 à la rencontre du pape Paul III avec le roi François Ier. Il est guidé par une jeune fille, une dame, une demoiselle, enfin une guideresse coiffée d'une casquette plate qui dit sa compétence, son degré hiérarchique et son autorité. Elle est chargée d'initier le profane au difficile plaisir de regarder un frêne qui a vu lui-même un pape contempler un grand roi. Elle dit « Et maintenant, voilà le frêne. C'est un frêne. C'est même un très gros frêne. Un très vieux frêne. Quel frêne. Voyez ce frêne, c'est le frêne qui... C'est le frêne que... D'ailleurs, c'est écrit sur la plaque. Lisez la plaque qui est sur le frêne. Vous verrez quel frêne c'était là. » Le touriste lit alors d'un œil respectueux ce que dit la pancarte du frêne. L'occasion est sérieuse et il se tient comme à la messe. Il est vêtu d'une visière transparente attachée par un élastique et de gros mollets frisés marbrés par le coup de soleil. Pendant qu'il regarde le frêne, en cherchant à se donner des sentiments violents à la hauteur d'une si belle circonstance, à goûter des émotions rares, à éprouver des frissons culturels, les autres touristes s'égayent et entrent comme des rats dans les sous-sols ombreux où se vend le souvenir de vacances. Ils en reviennent armés de poêlons en terre à feu, ornés d'un nom, celui de la localité, comme les gâteaux pour souhaiter les fêtes, et de foulards imitation soie décorés de bretons imprimés. Ce n'est pas que le breton fasse tellement provençal, mais il est caractéristique. Je connais un monsieur qui emporte une valise vide au moindre de ses déplacements. « Pourquoi faire ?» lui ai-je demandé. Il m'a dit « ça fait plus voyage ». De même, le breton imprimé. Le breton imprimé fait plus couleur locale. Il symbolise le déplacement géographique compliqué de plaisir culturel. Le chameau et le breton imprimé font plus voyage, plus souvenir de vacances. Quand tout le monde a acheté des bretons imprimés, la guideresse réunit son monde. Elle lève la main droite et s'en frotte gentiment le pouce et l'index, comme pour donner du grain aux poules. « Petit, petit !» appelle-t-elle. Les touristes accourent, en visière transparente et en mollet frisé. Le savoir-vivre du pédalo. Le mois d'août est le vrai mois du pédalo. C'est grâce au pédalo que l'homme glisse sur les eaux comme le signe de Sully Prudhomme. Il veut des couples assortis dont il exige la majesté du buste et la célérité des membres inférieurs. Il convient aux caissières qui sont belles par le haut et à certaines veuves un peu fortes d'officiers supérieurs ou de commerçants aisés. La femme sera royale et l'homme présidentiel. On peut mettre ses décorations. Le thorax doit être pompeux, l'abdomen assez important, la barbe paraît essentielle. Le haut de forme étant démodé, il faudra mieux aller tête nue. Mais le melon, si l'on veut, sera noir. Le sourire doit rester naturel et la conversation mondaine. La règle d'or est que la tête et la nuque, le thorax, le geste des bras, restent toujours dans l'ignorance de l'immense frénésie des membres inférieurs. La partie sportive du costume ne convient qu'aux pattes de derrière qui exigent la liberté du genou. La femme adoptera une jupe de grande ampleur sur caloton gigolo, qui fait coquet, ou la culotte Second Empire, qui fait décent. L'homme portera le kilt écossais qui assure le maximum d'aisance. Il préférera la jupette un peu courte, de couleur vive et taillée dans le biais, au long jupon kaki coupé droit fil qui donne trop aisément à certains touristes âgés, surtout s'ils ont l'air tristes et des lunettes en fer, la silhouette d'une mercière de rue grise qui a eu des malheurs importants. Pour les croisières d'une certaine durée, on emportera outre le thon en boîte, du thon en miettes, afin de varier la nourriture et éviter la constipation. Un sac à ouvrage pour le tricot et des modèles de Marie-Claire. Pour la rentrée scolaire, méditez l'exemple de l'école Amidon. Mais le problème de l'éducation, c'est le souci de notre époque à la rentrée des classes. Envoyez vos enfants à l'école Amidon. L'école Amidon, près de Washington, vient de bouleverser les théories pédagogiques. Elle se propose, au lieu d'enseigner, comme on le fait, à l'aide de jeux et d'amusements, de congés, de disciplines librement consenties et de brimborions de toutes les couleurs, d'enseigner, j'ose à peine le dire, en instruisant. À l'aide de leçons, de devoirs, d'efforts, de tableaux noirs, de disciplines librement imposées. Le but serait de faire des élèves qui puissent répondre aux exigences des examens. L'instruction ne viendrait plus de la joie, mais la joie viendrait de l'instruction. Si révolutionnaire que semble un tel système, il a donné de tels résultats que l'école, qui avait 1500 élèves, en a maintenant 2800. On l'agrandit. Nous amènerons, prophétise Karl Hansen, le directeur de ce collège, nous amènerons les bacheliers à être au niveau du bachot. Joies automnales de la datcha. C'est en octobre, Natacha, qu'il faut repeindre ta datcha. Ce vieux proverbe slave, qui sent le vent de la steppe, le ripolin et la crotte de loup, dit exactement ce qu'il faut dire. Vassili Babouchkine l'utilise avec force dans ses chansons d'amour et d'habitat rural. C'est, en effet, au mois d'octobre que vous pouvez commencer à abattre les cerfs, les daims, les bœufs dont la tête et les bois fourniront de porte-manteau le couloir de votre futur datcha. Vous résoudrez ainsi le plus urgent du problème. Il se pose avec acuité depuis la récente recrudescence des affinités franco-russes. Vous ne pouvez plus vous passer d'une datcha. La datcha date de la plus haute antiquité. Les inscriptions les plus assyro-chaldéennes mentionnent déjà ces kiosques de banlieue où les rois aimaient se retirer pour caresser, sur un banc de mosaïque, leurs longues barbes et leurs vastes dessins. Louis XIV avait le palais de Versailles. Attila possédait une maisonnette en bois. Il y menait, en grand seigneur, la vie de datcha en buvant, dans un crâne, un mélange constipant mais hallucinogène de sang d'ennemis et de sueur de jument additionné de certains champignons de la toundra. Résolvez donc votre problème datcha par une opération datcha. C'est la réponse la plus mûrie des spécialistes. Vous n'aurez besoin que d'une hache et d'un rabot. Prenez seulement la précaution de ne pas acheter votre terrain dans une banlieue industrielle. Choisissez-le dans un bois de chêne et d'acajou. Le chêne fournit les murs et l'acajou les meubles. Bûcheronnez tout ça rapidement, puis passez les murs au bitume, à la pâte mouille et à la peau de chamois. Le toit doit être mis avant les meubles, sinon la pluie fait jouer le bois des tiroirs. Un toit de chaume vous donnera une datcha normande. Un toit de tuiles creuses, une datcha provençale. Abouchez-vous avec un charcutier. Vendez-lui le reste des serres qui auront servi pour les porte-manteaux. Voilà votre datcha édifiée. Meublez-la de votre vieille nourrice. Ajoutez-y les œuvres de Lénine et de la comtesse de Ségur, un samovar, un fouet cosaque. Saupoudrez de soufre le bas des murs à cause des chiens. Apportez un pick-up, pendez la crémaillère et faites donner des airs lugubres. Joue-moi un air triste, tzigane, disait le célèbre Rasputin. J'ai envie ce soir d'être joyeux. Le temps du roman policier. Voici octobre et la nuit tombe plus tôt. Le crachin empêche de sortir. C'est le vrai temps de lire les romans policiers. De préférence devant un feu de coke. L'intoxication vient plus vite. Il ne faut pas oublier en effet que le roman dit policier, né en gros des brouillards de Londres, en a gardé les vertus stupéfiantes. Monté avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie, pour n'être jamais pris en défaut et marquer toujours l'heure exacte, il provoque vite, par son tic-tac, une sorte d'état second dans lequel on ne se soucie jamais de cette heure qu'il s'acharne à prouver. Le ronron importe seul. Le grand maître du genre n'est pas le roi de l'engrenage, mais le champion du tic-tac. Le roman policier se compose, en général, d'un coupable et d'un détective, des gens que la vie ne fournit jamais. On ne trouve jamais à aucune table un coupable et un détective, même dans les repas de première communion. Le roman policier est l'enfant naturel du coupable et du détective. Ce sont des jumeaux qui ont engendré leur père. On voit combien la situation est compliquée. Le coupable est un suspect qui ne peut pas démontrer qu'il était à Romorantin entre minuit et minuit 15. C'est donc le seul qui ait pu, à ce moment-là, se faire passer pour le tsar de Russie en simulant une sinusite qui lui permettait un cache-nez lui dissimulant tout le visage. Capturer au lasso le roi du caoutchouc, l'entraîner comme un crabe dans sa grotte souterraine et vendre son squelette à un étudiant pauvre. La chose paraîtrait incroyable si elle n'était dans Fantômas. Le détective est celui qui en fait la preuve par neuf. On le représente généralement comme un sportif qui court sur les toits des gratte-ciel, vêtu d'un costume prince de Galles, tirant d'une main sur des gangsters qui s'échappent par le tuyau de descente, et sortant de l'autre avec une corde la vérité du puits d'eau sale, où elle se cache dans des circonstances difficiles. Il la décrotte, il la décrasse, il la nettoie au savon noir, la fait briller avec un chiffon de laine, et la porte toute nue au juge émerveillé. Le public s'étant lassé du costume prince de Galles, le détective depuis a revêtu une jaquette, voire parfois des manches de lustrine. On a fait de lui tour à tour un curé, un enfant de 12 ans, un chien ou un unijambiste, quelquefois une vieille demoiselle. La mode va aujourd'hui, et à fort juste titre, à un monsieur qui a l'air d'un crapaud, des lunettes rondes, le visage ahuri et le physique d'un pâté de sable aplati par un grand coup de patte. Il est veuf d'une reine de beauté et ne s'intéresse dans la vie qu'à deux ou trois poètes bretons du XIIe siècle. Il reste encore à faire du détective une girafe, un boa ou un éléphant blanc, ce qui est la meilleure façon de passer inaperçu dans les jardins zoologiques. Bref, l'avenir est illimité. Que devient la vérité une fois sortie du puits? Le roman policier ne le dit pas. Généralement, le juge la met dans un placard où elle se couvre de poussière. Il la sort le jour des assises. Le procureur l'époussette, l'avocat s'assied dessus. Le faux témoin la déguise et la fait sortir par derrière. C'est pourquoi elle court dans les rues. C'était Encore mieux, une série de lectures proposée par le Théâtre du Rond-Point à Paris et France Culture. Enregistrée en public le 18 juin 2015 au Théâtre du Rond-Point. Texte choisi par Jean-Michel Ribes, extrait de l'Almanach des Quatre Saisons d'Alexandre Vialat, paru aux éditions Julliard. Équipe technique, Bernard Legac et Delphine Baudet. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Remerciements à Yann Quedlot et à toute l'équipe du Théâtre du Rond-Point.